À l'occasion du 25e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il et du 5e anniversaire de la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée, il y a eu les rassemblements, symposiums et conférences en Russie, en Espagne, en Ouganda et en Éthiopie. Y ont participé les personnalités de divers milieux et habitants des pays hôtes. Lors des cérémonies, les orateurs ont exalté les exploits du général Kim Jong-il qui a renforcé par tous les moyens la capacité d'autodéfense nationale par son originale politique de Sun Gun et transformé la Corée en digne détenteur nucléaire. Ensuite, il a affirmé que le maréchal Kim Jong-un a préparé une garantie sûre de l'édification d'une puissance socialiste par la présentation de la ligne de promotion simultanée de l'édification économique et des armements nucléaires.